décor, comme en plein jour, ne pas sombrer dans l'habitude, ne pas s'user dans la lassitude, ce n'est là que le début de mon but. Oui, ce n'est là que le rébut qui mène au but. Temps fort à nos beaux jours, se souvenir de s'oublier, ne pas finir dans les rues, ce n'est là que le début de mon but. Oui, ce n'est là que le rêve qui mène au but. Oui, ce n'est là que le début de mon but. Oui, ce n'est là que le rêve qui mène au but. Yo, come on, girl. Yeah, man. Come on. Do you want to sing, Mr. Grit? Do you want to sing? If you want to sing. Come on. I take the keyboard. You listen to me? You don't understand. Okay. You don't speak English. You understand now? I mute the effect. It's better for you? Yes? Okay. My question. Do you want to sing? If you want to sing, come on. Let's go. I take the keyboards. It's okay? I stop singing.